Chapitre 48e, les bourgeois de Paris. Le chapitre était assemblé en effet, comme l'avaient dit les religieuses à l'étrangère, afin d'aviser au moyen de faire la fille des Césars une brillante réception. Son Altesse royale, Madame Louise, inaugurait ainsi à Saint-Denis son commandement suprême. Le trésor de la fabrique était un peu en baisse. L'ancienne supérieure, en résignant ses pouvoirs, avait emporté la majeure partie des dentelles qui lui appartenaient en propre, ainsi que les reliquaires et les ostensoirs que prêtaient à leur communauté ces abbesses tirées toutes des meilleures familles, en se vouant au service du Seigneur aux conditions les plus mondaines. Madame Louise, en apprenant que la dauphine s'arrêterait à Saint-Denis, avait envoyé un express à Versailles, et la nuit même, un chariot était arrivé chargé de tapisseries, de dentelles et d'ornements. Il y en avait pour 600 000 livres. Aussi, quand la nouvelle se fut répandue des splendeurs royales de cette solennité, vit-on redoubler cette ardente, cette effrayante curiosité des Parisiens, qui en petit tas, comme disait Mercier, peuvent bien faire rire, mais qui font toujours réfléchir et pleurer lorsqu'ils vont tous ensemble. Aussi, dès l'aube, comme l'itinéraire de Madame la Dauphine avait été rendu public, on vit arriver 10 par 10, 100 par 100, 1000 par 1000, les Parisiens sortis de leur tanière. Les gardes françaises, les Suisses, les régiments cantonnés à Saint-Denis avaient pris les armes et se plaçaient en haie pour contenir les flots mouvants de cette marée, formant déjà ces terribles remous autour des porches de la basilique et se hissant aux sculptures des portails de la communauté. Il y avait des têtes partout, des enfants sous les auvents des portes, des hommes et des femmes aux fenêtres, enfin des milliers de curieux arrivés trop tard ou préférant, comme Gilbert, leur liberté aux exigences qu'impose toujours une place gardée ou conquise dans la foule. Des milliers de curieux, disons-nous, pareils à des fourmis actives, grimpaient entre les troncs et s'éparpillaient sur les branches des arbres qui, de Saint-Denis à la Muette, formaient la haie sur le passage de la Dauphine. La cour, encore riche et nombreuse d'équipages et de livrées, avait cependant diminué depuis Compiègne. À moins d'être un fort grand seigneur, on ne pouvait guère suivre le roi doublant et triplant les étapes ordinaires, grâce aux relais de chevaux qu'il avait placés sur la route. Les petits étaient demeurés à Compiègne, où avaient pris la poste pour revenir à Paris et laisser souffler leur attelage. Mais après un jour de repos chez eux, maître et Jean rentraient en campagne et couraient à Saint-Denis autant pour voir la foule que pour voir la dauphine qu'ils avaient déjà vue. Et puis, outre la cour, n'y avait-il pas à cette époque 1000 équipages? Le parlement, les finances, le gros commerce, les femmes à la mode et l'opéra? N'y avait-il pas les chevaux et les carrosses de louage, ainsi que les carabasses, qui vers Saint-Denis roulaient entassés 25 Parisiens et Parisiennes s'étouffant au petit trot et arrivant à destination plus tard, bien certainement qu'ils n'eussent fait à pied? On se fait donc facilement une idée de l'armée formidable qui se dirigea vers Saint-Denis, le matin du jour où les gazettes et les placards avaient annoncé que Madame la Dauphine y devait arriver et qu'elle allait s'entasser juste en face du couvent des Carmélites, et quand il n'y eut plus moyen de trouver de place dans les rayons privilégiés, s'étendant tout le long du chemin par lequel devait arriver et partir Madame la Dauphine et sa suite. Maintenant, qu'on se figure dans cette foule, épouvantail du Parisien lui-même, qu'on se figure Gilbert, petit, seul, indécis, ignorant les localités, et si fier que jamais il n'eût voulu demander un renseignement, car depuis qu'il était à Paris, il tenait à passer pour un Parisien pur, lui qui n'avait jamais vu plus de 100 personnes assemblées. D'abord, sur son chemin, les promeneurs apparurent clairsemés, puis ils commencèrent à se multiplier à la chapelle. Puis enfin, en arrivant à Saint-Denis, ils semblaient sortir de dessous les pavés et paraissaient aussi drus que des épis de blé dans un champ immense. Gilbert, depuis longtemps, n'y voyait plus, perdu qu'il était dans la foule. Il allait sans savoir où la foule allait. Il lui fallut s'orienter, cependant. Des enfants montaient sur un arbre. Il n'osa pas ôter son habit pour faire comme eux, quoiqu'il en eût grande envie, mais il s'approcha du tronc. Des malheureux, privés comme lui de tout horizon, qui marchaient sur les pieds des autres et sur les pieds desquels on marchait, eurent l'heureuse idée d'interroger les ascensionnaires et apprirent de l'un d'eux qu'il y avait un grand espace vide entre le couvent et les gardes. Gilbert, encouragé par cette première question, demanda à son tour s'il en voyait les carrosses. On ne les voyait pas encore. Seulement, on voyait sur la route, à un quart de lieue au-delà de Saint-Denis, une grande poussière. C'était ce que voulait savoir Gilbert. les carrosses n'étaient pas encore arrivés. Il ne s'agissait plus que de savoir de quel côté, précisément, les carrosses arriveraient. À Paris, quand on traverse toute une foule sans lier conversation avec quelqu'un, c'est qu'on est anglais ou sourd et muet. À peine se fut-il jeté en arrière pour se dégager de toute cette multitude qu'il trouva, au revers d'un fossé, une famille de petits bourgeois qui déjeunaient. Il y avait la fille, grande personne blonde, aux yeux bleus, modeste et timide. Il y avait la mère, grosse, petite et rieuse femme, aux dents blanches et au teint frais. Il y avait le père, enfoui dans un grand habit de bourracan, qu'il sortait de l'armoire que tous les dimanches, qu'il avait tiré de l'armoire pour cette occasion solennelle, et dont il se préoccupait plus que de sa femme et de sa fille, certain qu'elle se tirerait toujours d'affaire. Il y avait une tante, grande, maigre, sèche et quinteuse. Il y avait une servante qui riait toujours. Cette dernière avait apporté dans un énorme panier un déjeuner complet. Sous ce poids, la vigoureuse fille n'avait pas cessé de rire et de chanter, encouragée par son maître, qu'elle relayait au besoin. Alors un serviteur était de la famille. Il y avait une grande analogie entre lui et le chien de la maison, battu quelquefois, exclu jamais. Gilbert contempla du coin de l'œil cette scène, complètement nouvelle pour lui. Enfermé au château de Tavernay depuis sa naissance, il savait ce que c'était que le seigneur et que la valetaille, mais il ignorait entièrement le bourgeois. Il vit chez ces braves gens, dans l'usage matériel des besoins de la vie, l'emploi d'une philosophie qui, sans procéder de Platon ni de Socrate, participait un peu de Bias in extenso. On avait apporté avec soi le plus possible, et on en tirait le meilleur parti possible. Le père découpait un de ses appétissants morceaux de veau rôti, si cher aux petits bourgeois de Paris. Le comestible, déjà dévoré par les yeux de tous, reposait doré, friand et onctueux dans le plat de terre vernissé où l'avait enseveli la veille, parmi des carottes, des oignons et des tranches de lard, la ménagère soucieuse du lendemain. Puis, la servante avait porté le plat chez le boulanger, qui, tout en cuisant son pain, avait donné asile dans son four à 20 plats pareils, tous destinés à rôtir et à se dorer de compagnie à la chaleur posthume des fagots. Gilbert choisit au pied d'un orme voisin une petite place, dont il épousseta l'herbe souillée avec son mouchoir à carreaux. Il ôta son chapeau, posa son mouchoir sur cette herbe et s'assit. Il ne donnait aucune attention à ses voisins. Ce que voyant ceux-ci, ils le remarquèrent tout naturellement. « Voilà un jeune homme soigneux, » dit la mère. La jeune fille rougit. La jeune fille rougissait toutes les fois qu'il était question d'un jeune homme devant elle, ce qui faisait pâmer de satisfaction les auteurs de ses jours. « Voilà un jeune homme soigneux, » avait dit la mère. En effet, chez la bourgeoise parisienne, la première observation portera toujours sur un défaut ou sur une qualité morale. Le père se retourna. « Et un joli garçon, » dit-il. La rougeur de la fille augmenta. « Il paraît bien fatigué, » dit la servante. « Il n'a pourtant rien porté. » « Paresseux, » dit la tante. « Monsieur, » dit la mère, s'adressant à Gilbert, avec cette familiarité d'interrogation qu'on ne trouve que chez les Parisiens, « est-ce que les carrosses du roi sont encore loin ?» Gilbert se retourna, et voyant que c'était à lui que l'on adressait la parole, il se leva et salua. « Voilà un jeune homme poli, » dit la mère. La jeune fille devint pourpre. « Mais je ne sais, madame, » répondit Gilbert. « Seulement j'ai entendu dire que l'on voyait de la poussière à un quart de lieue à peu près. » « Approchez-vous, monsieur, » dit le bourgeois, « et si le cœur vous en dit ?» Il lui montrait le déjeuner appétissant étendu sur l'herbe. Gilbert s'approcha. Il était à jeun. L'odeur des mets lui paraissait séduisante, mais il sentit ses 25 ou 26 sous dans sa poche et songeant que pour le tiers de sa fortune il aurait un déjeuner presque aussi succulent que celui qui lui était offert. Il ne voulut rien accepter de gens qu'il voyait pour la première fois. « Merci, monsieur, » dit-il. « Grand merci, j'ai déjeuné. »« Allons, allons, » dit la bourgeoise. « Je vois que vous êtes un homme de précaution, monsieur, mais vous ne verrez rien de ce côté-ci. »« Mais vous, » dit Gilbert en souriant, « vous ne verrez donc rien non plus, puisque vous y êtes comme moi. »« Oh, nous, » dit la bourgeoise, « c'est autre chose. Nous avons notre neveu qui est sergent dans les gardes françaises. » La jeune fille devint violette. « Il se tiendra ce matin devant le pan bleu, c'est son poste. » « Et sans indiscrétion, » demanda Gilbert, « où est le pan bleu ?»« Juste en face du couvent des Carmélites, » reprit la mère. « Il nous a promis de nous placer derrière son escouade. Nous aurons là son banc, et nous verrons à merveille descendre de carrosse. » Ce fut au tour de Gilbert de sentir le rouge lui monter au visage. Il n'osait se mettre à table avec ces braves gens, mais il mourait d'envie de les suivre. Cependant, sa philosophie, ou plutôt cet orgueil, dont Rousseau l'avait engagé de se défier, lui souffla tout bas. C'est bon pour les femmes d'avoir besoin de quelqu'un, mais moi, un homme, n'ai-je pas des bras et des épaules ? Tous ceux qui ne seront pas là, continua la mère, comme si elle eût deviné la pensée de Gilbert, et qu'elle y répondit, tous ceux qui ne seront pas là ne verront rien que les carrosses vides. Et, ma foi, les carrosses vides, on peut les voir quand on veut. Ce n'est point la peine de venir à Saint-Denis pour cela. Mais, madame, dit Gilbert, beaucoup de gens, ce me semble, auront la même idée que vous. Oui, mais tous n'auront pas un neveu aux gardes pour les faire passer. Ah, c'est vrai, dit Gilbert. Et en prononçant ce « c'est vrai », sa figure exprimait un désappointement que remarqua bien vite la perspicacité parisienne. Mais, dit le bourgeois, habile à deviner tout ce que désirait sa femme, monsieur peut bien venir avec nous, s'il lui plaît. Oh, monsieur, dit Gilbert, je craindrais de vous gêner. Bon, au contraire, dit la femme, vous nous aiderez à parvenir jusque-là. Nous n'avions qu'un homme pour nous soutenir, nous en aurons deux. Aucun argument ne valait celui-là pour déterminer Gilbert. L'idée qu'il serait utile et paierait ainsi, par cette utilité, l'appui qu'on lui offrait, mettait sa conscience à couvert et lui ôtait d'avance tout scrupule. Il accepta. Nous verrons un peu à qui l'offrira son bras, dit la tante. Ce secours tombait pour Gilbert bien véritablement du ciel. En effet, comment franchir cet insurmontable obstacle d'un rempart de 30 000 personnes, toutes plus recommandables que lui par le rang, les richesses, la force, et surtout l'habitude de se placer dans ces fêtes où chacun prend la place la plus large qu'il peut se faire. C'eût été au reste, pour notre philosophe, s'il eût été moins théoricien et plus pratique, une admirable étude dynamique de la société. Le carrosse à quatre chevaux passait comme un boulet de canon dans la masse, et chacun se rangeait devant le coureur au chapeau à plumes, au juste au corps bariolé de couleurs vives et à la grosse canne, qui lui-même se faisait précéder parfois par deux chiens irrésistibles. Le carrosse à deux chevaux donnait une espèce de mot de passe à l'oreille d'un garde et venait prendre son rang dans le rond-point attenant au couvent. Les cavaliers au pas, mais dominant la foule, arrivaient au but lentement, après 1000 chocs, 1000 heurts, 1000 murmures essuyés. Enfin, le piéton, foulé, refoulé, harcelé, flottant comme une vague poussée par des milliers de vagues, se haussant sur la pointe des pieds, soulevé par ses voisins, s'agitant comme hanté pour retrouver cette mer commune qu'on appelle la terre, cherchant son chemin pour sortir de la multitude, le trouvant et tirant après lui sa famille, composée presque toujours d'une troupe de femmes que le Parisien, seul entre tous les peuples, sait et ose conduire à tout, partout, toujours, et fait respecter sans redemontade. Par-dessus tout, ou plutôt par-dessus tous, l'homme de la Ligue du Peuple, l'homme à la face barbue, à la tête coiffée d'un reste de bonnet, aux bras nus, à la culotte maintenue avec une corde, infatigable, ardent, jouant des coudes, des épaules, des pieds, riant de son rire qui grince en riant, se frayait un chemin parmi les gens de pied aussi facilement que Gulliver dans les blés de Lilliput. Gilbert, qui n'était ni grand seigneur à quatre chevaux, ni parlementaire en carrosse, ni militaire à cheval, ni parisien, ni homme du peuple, eût immanquablement été écrasé, meurtri, broyé dans cette foule. Mais une fois qu'il fut sous la protection du bourgeois, il se sentit fort. Il offrit résolument le bras à la mère de famille. L'impertinent, dit la tante. On se mit en marche. Le père était entre sa sœur et sa fille. Derrière venait la servante, le panier au bras. « Messieurs, je vous prie, » disait la bourgeoise avec son rire franc, « messieurs de grâce, messieurs, soyez assez bons. » Et on s'écartait, et on la laissait passer, elle et Gilbert, et dans le sillage glissait tout le reste de la société. Pas à pas, pied à pied, on conquit les 500 toises de terrain qui séparaient la place du déjeuner de la place du couvent, et l'on parvint jusqu'à la haie de ces redoutables gardes françaises dans lesquelles le bourgeois et sa famille avaient mis tout leur espoir. La jeune fille avait repris peu à peu ses couleurs naturelles. Arrivé là, le bourgeois se haussa sur les épaules de Gilbert et aperçut à 20 pas de lui le neveu de sa femme qui se tortillait la moustache. Le bourgeois fit avec son chapeau des gestes si extravagants que son neveu finit par l'apercevoir, vint à lui et demanda un peu d'espace à ses camarades qui dessoudèrent les rangs sur un point. Aussitôt, Par cette gerçure se glissèrent Gilbert et la bourgeoise, le bourgeois, sa sœur et sa fille, puis la servante, qui jeta bien dans la traversée quelques gros cris en se retournant avec des yeux féroces, mais à qui ses patrons ne songèrent pas même à demander la raison de ces cris. Une fois la chaussée franchie, Gilbert comprit qu'il était arrivé. Il remercia le bourgeois. Le bourgeois le remercia. La mère essaya de le retenir. La tante l'invita à s'en aller, et l'on se sépara pour ne plus se revoir. Dans l'endroit où se trouvait Gilbert, il n'y avait que des privilégiés. Il gagna donc facilement le tronc d'un gros tilleul, monta sur une pierre, se fit un appui de la première branche et attendit. Une demi-heure environ après cette installation, le tambour roula, le canon retentit, et la cloche majestueuse de la cathédrale lança un premier bourdonnement dans les airs.